Allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Radio Campus. Lille. 106,6. FM. Contre-culture. Random. Random. Émission radiophonique. Un dimanche sur deux. 19-20h. De l'information. De 19h à 20h. Radio Campus. Lille. C'est random. 106,6 MHz. 106,6. Hacker. Du groupe Dégénéré Sciences Lille. Sur Radio Campus. Un dimanche sur deux. Random. L'émission préférée des N-Tech. Oh, comme c'est fort. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes donc le dimanche 18 juillet, il est 19h, c'est l'heure de Random 19 sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM. Alors ce soir, donc un effectif extrêmement réduit pour cette émission, puisque nous ne sommes que deux. Nous avons donc Mad Martigan. Bonsoir. Et à la technique, nous avons DB. Oui, bonsoir. Une grande première. Grande première à la technique. C'est cool. Et donc voilà. Alors donc, Random, qu'est-ce que c'est ? C'est l'émission du groupe Dégénéré Sciences Lille, une émission donc centrée sur la contre-culture hacker. C'est la 19e émission de ce de 19e édition de cette émission, n'est-ce pas ? Et vous avez la possibilité, comme d'habitude, de discuter avec nous sur le canal Silk, du réseau silk.dg-sc.org. Et également, vous aurez les MP3 des émissions plus tard dans la soirée qui seront diffusées en ligne pour pouvoir nous écouter en différé. Alors comme d'habitude, l'émission se passe en trois temps. Un premier temps actualité, donc on va couvrir un petit peu l'actualité de la presse du milieu hacker, l'actualité des milieux hackerspace, et puis quelques news un petit peu intéressantes. On va parler de l'EFF, on va parler de ce qui va se passer au DEFCON à Las Vegas, et on va parler du Chili qui est devenu le premier pays à adopter une loi garantissant la neutralité des réseaux de communication. Ah bah si tu dis tout maintenant... Oh, bon, d'accord. Et puis également, donc, on aura un dossier technique. Ouais, donc le dossier sera CryptoWeb, donc HTTPS avec le S de Secure, en gros. Donc sécurité des communications web, tout bêtement. Sécurité et chiffrement du trafic web. Et puis également, eh bien, il y aura un agenda qui, comme la dernière émission il y a deux semaines, était vachement fourni. On va commencer l'actu, on commence par quoi ? On n'a qu'à prendre dans l'ordre. Alors dans l'ordre en fait j'avais mis un truc sur la presse, comme d'habitude, enfin comme d'habitude plus ou moins. Donc il y a le magazine Hack in the Box qui est sorti, j'ai vu paraître la news sur la vraiment bien liste de diffusion BugTrack. Un grand classique du mouvement White Hat hacker. Et également, et ben donc dessus, il passe pas que des annonces de failles de sécurité, il passe aussi un petit peu ce qui se passe dans le milieu White Hat. Et là, il y a l'orca Hack in the Box qui a sorti donc nouveau numéro de son magazine. Bon, c'est un gros magazine en PDF, etc. Puis c'est du White Hat aussi un peu, donc voilà. Mais il y a un truc intéressant sur le hacking satellite. Et puis il y a un dossier sur CojoNet, qui est un honeypot, bon, voilà quoi. Et donc vous pouvez trouver tout ça sur magazine.hackinthebox.org. Voilà. Alors ensuite, l'exclu, je l'ai fait, tu l'as fait, je vais la faire. Allez-y, vous en prie. Donc l'exclu en fait, qu'on a oublié de dire il y a deux semaines, c'est une info que vous n'avez vue nulle part et que on est les seuls à pouvoir diffuser. c'est que le Templab organisera la troisième édition de son Hackerspace Festival du 1er au 3 octobre 2010. Alors l'appel à contribution devait être lancé vers la mi-juillet, donc ça devrait pas plus tarder. On vous invite à surveiller le site web du Templab pour plus d'informations, donc www.templab.org. Et on salue les gens de ce Hackerspace basé à Vitry-sur-Seine au passage. Alors ensuite, dans l'ordre, on avait le truc sur l'EFF, et du coup c'est moi. Excusez-moi, j'étais. Le FF lance HTTPS Everywhere, un plugin pour Mozilla Firefox. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ben, en fait, c'est un plugin comme il en existe beaucoup sur Firefox qui va en fait essayer, tant que faire se peut, de passer de la version non cryptée d'un site à la version cryptée. Donc quand vous êtes sur le protocole HTTP, il va essayer de passer lui automatiquement sur HTTPS. Donc voilà, donc pour encourager la crypto, quelle que soit la situation. Donc bah c'est bien, mais sauf que au départ il se base en fait sur l'URL, il reprend l'URL telle quelle et il ajoute le S à HTTP. Sauf qu'il y a pas mal de sites qui ne fonctionnent pas tout à fait comme ça en fait. La version cryptée du site est disponible via une autre URL qui change, des fois légèrement, des fois beaucoup plus. Donc en fait, pour pallier à ça, ils disposent un système de listes, un peu comme les bloqueurs de pub. Oui, des exactement. Listes auxquelles on pourra s'abonner, qu'on pourra mettre à jour, qu'on pourra enrichir. C'est un système de règles en fait. Un système de règles. Qu'on peut écrire soi-même éventuellement. Ouais, une liste sous forme de règles, tout à fait. Et donc voilà, donc quelque chose qui risque d'évoluer. Voilà, donc petit projet qui vient de sortir, on va voir ce que ça va donner, quoi. Ouais, on verra ce que ça va donner, et puis, de toute façon, en fait, ça va continuer à évoluer, et puis c'est encore une fois une initiative intéressante de la part de l'Electronic Frontier Foundation, donc Fondation pour la Frontière Électronique, une orga américaine qui vraiment fait un bon boulot, et qui se place en pointe sur tout un tas de combats comme ça. Alors ensuite j'avais deux news un petit peu intéressantes concernant ce qui va se passer en fait au DEFCON, au DEFCON 18, donc on rappelle hein, DEFCON 18, 30 juillet, 1er août, à Las Vegas, Nevada. Et c'est une grosse convention hacker qui existe depuis longtemps, et qui se passe à Las Vegas, donc c'est toujours assez vivant et assez déjanté comme truc. Et il y a plusieurs concours en fait, il y a plein de trucs qui se passent, et notamment cette année il y aura un truc Hiding by Backdoors. Alors ça consiste en fait à cacher des backdoors hein, dans du code source ouvert, et puis derrière à essayer de retrouver les portes dérobées, backdoors qui ont été implémentées. C'est un petit jeu de chat et de la souris en fait, hein. On essaye de cacher des codes malicieux à l'intérieur d'un programme, et puis on essaye après d'analyser le programme, voir si on peut retrouver, enfin d'analyser le code source du programme pour essayer de retrouver si on retrouve des backdoors. Donc ça c'est intéressant, c'est surtout intéressant parce que derrière en fait il risque d'y avoir de la documentation sur les méthodes qui vont être employées, les codes sources seront probablement publiés il me semble, hein. Et derrière en fait pour toutes les personnes qui s'intéressent un petit peu à tous ces défis technologiques là, et ben ils pourront avoir un peu de documentation et un peu de code pour jouer. Puis également faut pas oublier au DEFCON, comme d'habitude, il y aura le Pony Awards. Donc les Pony Awards, c'est un truc assez rigolo, ça récompense en fait les plus grosses bourdes de sécurité informatique de l'année, le bug web le plus fun, la façon dont a été géré tel ou tel bug, la publication de telle ou telle faille, etc. par tel ou tel éditeur. C'est toujours intéressant de pouvoir rigoler un petit peu sur les gens qui nous vendent de la sécurité et qui en fait font n'importe quoi dans notre dos en étant bien content qu'on achète quand même leurs produits. C'est sûr. J'ai dit ça sans citer Norton quand même. Merde. J'avais une autre news qui était parue il y a quelques jours. En fait, une partie de la sécurité du logiciel Skype qui a été publiée en fait. Ça c'est intéressant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait depuis des années, Skype, donc un truc fondé par l'un des deux fondateurs de eBay je crois, Skype en fait depuis des années nous vend de la sécurité par l'obscurité. C'est-à-dire qu'en gros Skype nous balance que ils ont un logiciel qui passe à travers les pare-feux, qui fait tout un tas de trucs et tout, qui est très bien sécurisé contre l'analyse du code de ce qu'il fait, etc. Et en fait, on se rend compte que voilà, on ne sait pas exactement comment il fait. Il y a plein d'entreprises qui ont banni Skype de leur réseau. L'Allemagne avait lancé un appel d'offres pour casser la sécurité de Skype, pour voir comment ça marche exactement et tout et tout. Et là, en fait, la partie qui chiffre en fait tout le trafic de contrôle de Skype, donc les pubs, etc., a été publié. Et en fait, c'est un truc très simple. Donc, ce qui veut dire que tout un tas de logiciels de sécurité, donc des filtres, des pare-feux, des choses comme ça, vont pouvoir, des analyseurs de trafic, vont pouvoir analyser le trafic de Skype et pouvoir dire ça, c'est du trafic de Skype, je le bannis. Donc voilà un petit peu ce qui arrive aux gens qui veulent essayer de vendre de la sécurité par l'obscurité. Ça ne marche pas, tout le monde sait que ça ne marche pas, mais en 2010 il y a encore des gens qui y croient. Donc, enfin, d'ailleurs au FIC, en fait, au dernier FIC, on en avait parlé, mais il y avait une boîte qui vend un anti-spam, une boîte locale en plus, hein, une boîte de la métropole lilloise qui vend un anti-spam en disant: oui, regardez, nous on fait de la sécurité par l'obscurité, et c'est un avantage en termes de sécurité et tout, parce que les méchants ils savent pas comment on fait, alors du coup ils savent pas nous embêter et tout. Bah, la preuve que si, quoi, la preuve que ça marche pas. Dernière news, je vais te la laisser. Donc le Chili devient le premier pays à aborder la loi, à adopter une loi garantissant la neutralité des réseaux de communication. Bah voilà, je crois que... Enfin, pour moi tout est dit, y a pas... On peut... Ben, ça a été un vote quasi unanime. Savoir que sur les 101 représentants du peuple chilien, il y en a qu'un qui s'est abstenu. Donc vote quasi unanime d'une loi d'un projet de loi qui remonte à 2007 et qui s'est vu concrétiser tout récemment. Et donc le Chili, en fait, devient le premier pays à adopter une loi en faveur de la net neutrality. C'est vachement important, on en a parlé beaucoup depuis le départ de l'émission Random en octobre dernier. La neutralité du net, c'est un des prérequis pour la libre circulation de l'information. C'est important de se battre. Bon, c'est important de se battre pour des tas d'autres sujets, hein. C'est important de se battre pour la liberté de la presse. C'est important de se battre pour des tas de choses, la liberté d'expression, etc. Et de se battre contre les lois liberticides. Mais la neutralité du net, c'est vraiment très important. Il faut pouvoir avoir un net neutre, parce que sinon on peut rien faire dans un net pas neutre. On peut strictement rien faire dans un internet où les données sont filtrées, où on priorise tel ou tel type de trafic parce que ça fait gagner plus d'argent, etc. Donc on peut pas... voilà, et en fait ce qu'on remarque, c'est que c'est un débat qui a lieu, la neutralité du net, etc., c'est un débat qui a émergé aux États-Unis et en Europe, et au final c'est le Chili qui vote le premier cette loi-là. Alors qu'en Europe et qu'aux États-Unis, on en est quand même encore à discuter d'ACTA, on en est quand même encore à discuter de... Voilà, la France vient de s'équiper d'une loi Hadopi, machin, et tout, regardez un petit peu ce que font les pays dits en voie de développement. Ils s'arment pour rentrer comme il faut dans le 21e siècle et prendre les bonnes décisions qui feront que l'innovation et la protection des droits et de la vie privée sera assurée pour les années à venir. C'est sûr, on voit qu'il y a des pays qui partent dans un sens et d'autres l'opposé, et on pourrait se demander pourquoi. C'est les virages qu'ont déjà pris d'autres pays, comme l'Estonie par exemple, les pays scandinaves, etc., qui font énormément en fait vers le numérique, même si ils ont le défaut d'être européens, donc et de suivre un petit peu ce qui se passe, et de suivre le mauvais exemple des gros moteurs européens, notamment la France. Donc voilà. Bon, là ça fait un quart d'heure qu'on parle. Petite pause musicale, tu nous mets quoi ? Bah écoute, Human Weakness. Non, je préférais à la fin. Est-ce que tu peux nous mettre les deux trucs de Hydra ? Hydra, Anarchie. Anarchie, et puis le C64 Theme. Ouais. On vous explique après ce que c'est. Tout à l'heure. Restez bien à l'écoute des programmes de Radio Campus, c'est Random 19 jusqu'à 20h. Et voilà. We'll be right back. Random. Profitez-en, bientôt ce sera brouillé. Et donc, de retour dans les studios Radio Campus, 106,6, c'est l'émission Random. Donc nous avons passé deux morceaux de Hydra. Donc deux vieux morceaux, Anarchy et 664 Theme. Alors 664 pour Commodore 64, 60, Commodore 64, effectivement. Et j'ai l'impression qu'on entend des gens parler. Non, c'est dans le studio à côté. C'est dans le studio à côté. Ah, bon. Et donc en fait, oui, ce sont deux très vieux morceaux que j'ai trouvé en fait sur l'excellent hackerspaces.org. Il y a des petits liens vers de la musique en fait, Hacker Sounds. Il y en a un qui était recommandé. C'était un lien vers chiptunes.org et il recommandait Hydra. Donc on a écouté, puis on a aimé. Et ça date donc de 93 et 92. Pour ces deux morceaux. Donc voilà, oldies but goodies. On va vous laisser. On va continuer sur. On va pas vous laisser. On va continuer en fait sur. Pas tout de suite. Ouais. Sur un sujet technique. Donc HTTPS ou le web avec le S de secure. Je trouve un super titre. Ça me fait plaisir. Donc je vous donne un petit plan pour pas que vous soyez perdus. Donc on fera un petit rappel et on verra quelques notions de crypto. Ensuite, on rentrera plus dans le vif du sujet en parlant de HTTPS avec, dans un premier temps, les objectifs. On verra les utilisations également. On essaiera de répondre à la question HTTPS, c'est quoi ? À la suite de ça, on verra que, qui bosse là-dedans, c'est plus SSL et TLS. Donc on parlera de ces deux protocoles, on verra le fonctionnement un peu plus détaillé de SSL. Après, on verra un petit peu les différences qui existent entre les versions de SSL, TLS, etc. Puis pour finir, une petite conclusion sur où on en est actuellement, qu'est-ce qu'on utilise concrètement au quotidien dans tout ça. Voilà, donc je vous propose de commencer avec quelques petits rappels et des notions de crypto. Donc, de nombreux démons serveurs reposent sur le chiffrement à clé publique pour sécuriser leur communication avec leurs clients. Les systèmes de chiffrement utilisent des clés pour transformer des messages d'une version lisible à une version chiffré. Tous les systèmes de cryptographie visent trois buts. Donc, l'intégrité signifie que le message n'a pas été altéré. La confidentialité qui signifie que le message ne peut être lu que par le public désiré. Et la non-répudiation qui signifie que l'auteur du message ne peut pas prétendre plus tard qu'il ne l'a pas écrit. Pour approfondir un petit peu, je vous renvoie au random numéro 17 du 20 juin 2010 où on en avait parlé un peu plus longuement. De GNU PG, etc. dans le cadre de la cryptographie des mails. Donc crypto-symétrique et crypto-asymétrique. Donc les premiers systèmes de chiffrement reposaient sur une clé unique où toute personne possédant la clé pouvait chiffrer et déchiffrer des messages. C'est le chiffrement symétrique. Donc chiffrer et déchiffrer avec la même clé. On parle également de chiffrement à clé unique. Alors, au contraire des chiffrements à clé unique, les systèmes de chiffrement à clé publique ou dit asymétrique utilisent deux clés. Une clé dite publique, une clé dite privée. Les messages sont chiffrés avec une clé et déchiffrés avec l'autre clé. En général, le propriétaire des clés garde la clé privée bien secrète et donne sa clé publique à tout le monde ou la rend accessible via des serveurs de clés pour que n'importe qui puisse s'en servir. Le propriétaire utilise donc sa clé privée, les autres utiliseront la clé publique. Donc la cryptographie symétrique asymétrique ou à clé publique, pardon, répond bien à nos trois besoins, à savoir la confidentialité, si vous voulez nous envoyer un message et que nous soyons les seuls à pouvoir lire, vous utilisez notre clé publique et nous la déchiffrerons avec notre clé privée. Donc l'intégrité, si vous voulez envoyer un message à tout le monde, vous le chiffrez avec votre clé publique, privée. Si nous arrivons à le déchiffrer avec votre clé publique, c'est qu'il n'a pas été modifié. Pardon. Et par la même occasion, c'est qu'il a bien été chiffré avec votre clé privée, donc par vous. On a donc par la même occasion la non-répudiation. Et là, on voit bien l'importance en fait de garder sa clé privée bien à l'abri. Quoi. La robustesse du système repose un petit peu là-dessus. Hein. Une clé compromise et le système est entier et compromis. Bah, c'est la clé qui nous permet de lire les messages qui nous sont destinés et de les signer également. Donc, en fait, voilà, c'est un modèle de sécurité dans lequel en fait l'utilisateur ou l'utilisatrice est responsable, est mis en responsabilité très clairement. Exactement. Comme la clé de chez vous, quoi. Oui, exactement, voilà, bon, c'est ça. Vous perdez votre clé, bon bah quelqu'un pourrait rentrer. Vous dépendez pas d'un système extérieur, vous ne dépendez que de vous. Voilà. Donc voilà, donc pour ces petits rappels de crypto effectués, passons à notre sujet, donc HTTPS objectif. Alors l'objectif principal est de créer un canal sécurisé sur un réseau non sécurisé comme peut l'être Internet, et de procurer une protection robuste contre les attaques reverse droppers et celles de l'homme de milieu. Alors, l'reverse dropping, c'est le fait d'écouter secrètement une conversation privée sans le consentement des auteurs de cette conversation. Reverse dropping, c'est espionnage en fait. Ouais, voilà. Moi, ouais, je cite la petite définition du Black's Law Dictionary. Yeah. Ok. Voilà, et l'homme du milieu, Man in the Middle en anglais, également appelé Bucket Brigade Attack, ou parfois Janus Attack. J'ai jamais entendu ce truc-là. Alors c'est le fait de se placer entre les interlocuteurs en fait, donc là de carrément contrôler la communication, souvent en la relayant pour être le plus discret possible. Donc l'utilisation, par défaut HTTPS s'attribue le port 443. Il est utilisé principalement sur des sites de e-commerce, pour les paiements en ligne, pour l'échange de données sensibles, et pour également plein d'autres choses. Les banques, voilà. Et DGSC.org. Voilà, bah ça rentre dans l'échange de données sensibles, hein, je crois. Oh, attention. Voilà, alors, ne pas confondre HTTPS et Secure HTTP, dit SHTTP. Au départ, c'était un peu deux protocoles concurrents, mais Netscape et Microsoft ont tous les deux implémenté HTTPS dans leur navigateur, à l'époque, qui est de facto devenu le standard. Pour une fois qu'ils faisaient quelque chose ensemble, ces deux-là. Voilà, donc, concrètement, HTTPS, c'est quoi ? Alors HTTPS, pour Hypertext Transfer Protocol Secure, est une combinaison du protocole HTTP standard et des protocoles SSL ou TLS, afin de fournir un chiffrage du flux client-serveur et une identification du serveur via certificat, et identification du client également, chose un peu moins connue. Donc SSL, ça veut dire Secure Socket Layer, TLS veut dire Transport Layer Security. C'est donc SSL ou TLS qui font tout le travail et qui nous intéressent. Donc, c'est ce que nous allons voir. Alors, SSL et TLS. Alors, le standard SSL a été mis au point par Netscape, en collaboration avec Mastercard, Bank of America, la MCI, Silicon Graphics, et certainement d'autres. Alors, il repose sur un procédé de cryptographie à clé publique, comme on a introduit tout à l'heure. Son principe consiste à établir un canal chiffré entre deux machines après une étape d'authentification. Le système SSL est indépendant du protocole utilisé, ce qui signifie qu'il peut aussi bien sécuriser des transactions faites sur le web, donc par le protocole HTTP, donc là on est en plein dedans, pour nous HTTPS, que des connexions via le protocole FTP, POP, IMAP. En effet, SSL agit telle une couche supplémentaire permettant d'assurer la sécurité des données située entre la couche application, donc dans notre cas là, ce sera HTTP, et la couche transport, dans notre cas TCP. Voilà. Donc là, je parle un petit peu de FTP, POP ou IMAP, c'est un petit peu pour rebondir sur le premier sujet dans Random 17 où on avait parlé plus précisément de la sécurité du message en lui-même, oui, du contenu du message. Tout à fait, ouais. Là on voit que SSL avec POP IMAP en fait va sécuriser en fait votre session, c'est-à-dire quand vous allez vous connecter, donc essentiellement votre mot de passe. Bah, voilà, votre mot de passe et puis tout ce que vous transférez en fait, quand vous transférez une page en fait pour la lire, ben tout le transfert est complètement chiffré. Oui, voilà, ouais. Non, mais là, je parlais précisément de POP et IMAP. Ah, POP et IMAP, oui, c'est ça. Si tu chiffres tes mails, ouais, il n'y a plus qu'une seule donnée sensible qui passe, c'est le mot de passe, en gros. Ouais, tout à fait, ouais, effectivement, voilà. C'est la session, le mot de passe de quantification. En mettant, en fait, en intercalant ce fameux protocole SSL sur POP, bon, bah, on a couvert un peu toutes les données sensibles. Bah, à la limite, en fait, de base, si ces protocoles sécurisés étaient utilisés de manière uniforme tout partout, il y aurait moins besoin de chiffrer ces messages, puisque le message serait chiffré dans la session. C'est sûr. Mais bon, comme c'est pas le cas. Comme c'est pas le cas, ouais, on est obligé d'utiliser l'un ou l'autre, voire les deux. Tout à fait. Donc la totalité des navigateurs à l'heure actuelle supporte SSL, il n'y a pas de, souci. Même Midori ? Même Midori. Oui, bah, bien sûr, quand même. Bon, pas super bien. Bah, il le supporte, il le gère. Alors, mais... il te met pas d'avertissement en cas de certificat invalide, ouais, périmé, c'est ça. Ouais, voilà. Ou même autosigné, il te met rien, il laisse passer. Ouais. Mais bon, il le gère, quoi. Il... Ok. Voilà. Donc, ouais. Et... Moi, j'avais envie de dire, c'est un navigateur Midori, mais en fait, bon, trop gros passera pas. Donc voilà, tous les navigateurs supportent ça. Les signes d'une connexion sécurisée vis-à-vis du navigateur, c'est dans un premier temps l'URL, où on voit en fait apparaître HTTPS et non plus HTTP. Il y a aussi des petites couleurs qui sont mises un petit peu partout, on colorie en vert le début de l'URL, avec l'émoticône, comme ça fait bien. On met un petit cadenas quelque part, confirme, histoire de montrer que c'est sécurisé. Alors je reviens sur... on avait crashé un petit peu sur Chrome dans Random 14 du 25 avril 2010, quand on avait appris en fait dans une news que Chrome décidait de cacher en fait le protocole dans l'URL. En fait Chrome, quand on utilise le protocole SSL, réaffiche le protocole HTTPS. Waouh. Donc voilà. C'est génial. Alors Chrome en fait c'est le navigateur web de Google. Ouais, pardon, je l'ai pas présenté. Non mais... Il y a encore besoin de le présenter lui, tu crois ? Ben... Allez, ouais, c'est fait, quand même. Donc le brevet SSL appartenait à Netscape. Il a été racheté par l'IETF, donc Internet Engineering Task Force, dont on parlait tout à l'heure. Il a été racheté courant 2001 et a été rebaptisé pour l'occasion TLS, donc Transport Layer Security, comme je disais tout à l'heure. Donc à peu de choses près, SSL version 3 et TLS version 1.0, c'est pareil, mais on verra plus en détail les différences un peu plus tard. Là, je vous propose de voir un petit peu plus en détail le fonctionnement de SSL. Alors, la sécurisation des transactions par SSL, on l'a vu, est basée sur un échange de clés entre client et serveur. La transaction sécurisée par SSL se fait dans cet ordre. Alors, dans un premier temps, le client se connecte au serveur sécurisé par SSL, lui demande de s'authentifier, et lui envoie également la liste des cryptosystèmes qu'il supporte. C'est ce qu'on appelle le message « Hello client ». Le serveur, à la réception de cette requête, envoie un certificat au client contenant la clé publique du serveur, signé par une autorité de certification, quand elle est signée bien sûr, ainsi que le nom du cryptosystème et la plus grande taille de clé supportée par nos deux protagonistes. C'est ce qu'on appelle le message Hello client. Donc ouais. Là en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont mis d'accord sur l'utilisation de l'algo le plus puissant qu'ils pouvaient gérer tous les deux. Voilà. On a déjà vu qu'en cryptographie, la taille est importante. Voilà, pas qu'en crypto d'ailleurs. Désolé. Alors... Donc, le protocole SSL prévoit l'authentification du client. Donc ouais, prévoit l'authentification du client en fait. La technique ici est exactement la même que pour l'authentification du serveur. C'est une étape qu'on va qualifier d'optionnelle qui dans la réalité est bien souvent peu mise en œuvre. Parce que ça voudrait dire avoir un certificat également signé sur le client, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévu depuis SSL 2.0 mais qui est rarement mis en œuvre. C'est-à-dire que si on oblige Mme Michu à avoir un certificat chez elle, à le gérer, à le garder sécurisé, machin, voilà. Sachant qu'elle a X dizaines de virus sur son Windows pourri. Bon. Tout à fait. On serait pas sorti. C'est pour ça qu'en pratique, c'est très peu implémenté. Quoi. Voilà. Donc, on en était à l'étape où le client vérifie la validité du certificat du serveur, puis génère une clé secrète aléatoire. Ce sera la clé de session. On verra que cette étape-là de générer une clé aléatoire, qu'on appelle la clé de session, est importante. Et d'ailleurs, c'est une des principales différences qu'il va y avoir entre les différentes versions. On verra ça plus en détail tout à l'heure. Donc, il chiffre cette clé à l'aide de la clé publique du serveur, donc la clé de session, puis on voit le résultat. Donc, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, on sait que le serveur est en mesure de déchiffrer la clé de session avec sa propre clé privée. Ainsi, les deux entités sont en possession d'une clé commune qu'ils sont les seuls à connaître. Donc on va résumer un petit peu là, pour histoire que si jamais j'en ai lâché un ou deux qui puissent nous rejoindre, on va résumer un petit peu ce qu'on vient de dire. Donc, le client, le serveur, ils se sont dit bonjour, parce que là tout va bien. Le client a pu vérifier l'identité du serveur via un certificat signé par une société agréée dont c'est le travail. ces fameux autorités de certification. Optionnellement, le serveur a pu vérifier l'identité du client, de la même façon. Ils se sont mis d'accord sur l'algorithme le plus puissant qu'ils pouvaient tous les deux gérer. Et là, ils se débrouillent pour générer une clé unique qu'ils seront les seuls à connaître pour chiffrer la suite de la communication. Alors, vous pourriez me dire, pourquoi cette clé unique ? Pourquoi générer une clé de session et pourquoi pas continuer à utiliser clé privée, clé publique ? Ce qu'il faut savoir un petit peu sur la cryptographie asymétrique, donc celle avec clé privée et clé publique, c'est que par rapport à la cryptographie symétrique, celle avec donc une clé unique, c'est qu'elle est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre, et donc demande beaucoup plus de calculs que la cryptographie symétrique. Plus de calculs veut dire plus de temps. On est donc face à un problème de performance, et non seulement c'est plus long, mais aussi on est limité dans la quantité de données qu'on va pouvoir chiffrer, en fait. Je vous invite à faire un petit test, par exemple avec OpenSSL, un petit outil qui va bien. C'est un énorme truc, OpenSSL, en fait. Petit dans le sens affectif. J'allais dire. Voilà, donc on a un peu testé ce matin en générant une clé avec graines aléatoires. Donc on a généré une clé type AES 256 avec CBC, une clé de 2048 bits, voilà pour les petits détails. On en a extrait une clé publique avec laquelle on a chiffré des fichiers pour voir justement quelle quantité de données un peu on était limité, voir si c'était on était vraiment limité à des petites quantités de données ou si on pouvait pousser un petit peu. Voilà. Bon bah en fait on est très vite arrivé à, parce que passer 200 octets environ, donc un fichier de 200 octets c'est vraiment pas énorme. Non, c'est rien. On a un joli message qui nous disait c'est comme les blagues de Little Charlie, trop gros passera pas. C'était volume de données trop gros pour ce type de clé, en fait. Comment tu balances? Moi je dis ça, je dis rien. Ouais, petit clin d'œil Little Charlie. Donc voilà, donc carrément à partir, je crois que 208 octets s'est passé si je me souviens bien, et 216 octets, carrément volume de données trop gros pour ce type de clé. Donc voilà pourquoi la clé de session est nécessaire en fait. C'est que on passe d'une crypto asymétrique sécurisée pour mettre en place la crypto symétrique qui est elle beaucoup plus performante. Et là je pense que je vais accélérer un petit peu, sinon on n'aura pas le temps. Bref, à ce stade. Le reste de la transaction peut se faire à l'aide de la clé de session garantissant l'intégrité et la confidentialité des données échangées. Donc, SSL ou TLS. Alors, développé à l'origine par Netscape, on l'a dit tout à l'heure, SSL version 2 sorti en 1995 et SSL version 3 en 1995. Il a été renommé en TLS par l'IETF suite au rachat du brevet en 2001. Depuis son rapatriement par l'IETF, le protocole TLS a vécu deux révisions. Donc TLS version 1.1, décrite dans la RFC 4346 et publiée en 2006, donc ouais, c'est pas non plus super vieux, et TLS version 1.2, décrite par la RFC 5246, publiée en 2008, encore plus récent pour celle-là. Une petite parenthèse, SSL version 1 n'a jamais été publiée pour une utilisation... public, on va dire, parce que trop faible en fait. C'est pour ça qu'on vous parle directement de la SSL version 2. SSL version 1, on n'en parle pas quasiment. Donc, il y a très peu de différence entre SSL version 3 et TLS version 1. Mais ces changements sont suffisants pour rendre les deux protocoles non interopérables. TLS a néanmoins mis en place un mécanisme de compatibilité avec SSL. Donc, une des principales différences réside dans la génération des clés de session. Plus que TLS utilise le couple MD5-SHA1 et non plus seulement MD5 dans la PRF. Alors PRF c'est Pseudo Random Function, c'est la fonction qui est utilisée pour générer des données aléatoires, celle qui intervient dans la génération de jeu. Et en fait donc TLS s'affranchit des faiblesses de cryptanalyse de MD5, tout simplement. Alors, par abus de langage, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle souvent de SSL pour dessiner indifféremment SSL et TLS, en fait. Ben, c'est le nom originel. C'est le nom originel, mais maintenant, depuis 2001, donc TLS, c'est à part, quoi. Et pourtant, on parle toujours de SSL. Ouais, mais par exemple, en fait, les dernières versions d'SSL, elles sont toujours dans OpenSSL. C'est la bibliothèque de fonctions qu'on utilise, etc. Enfin, il y a GNU TLS, mais c'est un truc de GNU. Je suis d'accord avec toi, mais en général, on va parler de SSL et de TLS, on va dire SSL. On va pas trop différencier les deux. Et d'ailleurs, en fait, petit détail à la con, mais le brevet de la techno SSL et donc également de la techno TLS, il est détenu par l'IETF. Alors, TLS et l'IETF, ouais, tout à fait. Ouais. Donc il y a un brevet là-dessus. Est-ce que ce brevet a été abandonné ou il y a un truc quelconque qui fait qu'on peut l'utiliser dans des logiciels libres sans craindre que la Adopi vienne nous taper sur la gueule? Ah non, en fait... Alors là, tu me poses une colle, je pense, mais le brevet appartient à l'IETF. Et basta, quoi. Ouais, c'est une orga, qui réclame pas le brevet, on considère que c'est libre. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Donc, voilà pour la petite parenthèse de l'abus de langage. Donc, TLS version 1.1, définie par la RFC 4346, sortie en avril 2006, donc ça j'ai dit tout à l'heure, est une mise à jour en fait de la version 1.0, dont les modifications les plus importantes sont toutes plus techniques les unes que les autres. Alors j'ai en cité quelques-unes, pour les plus importantes, on peut citer par exemple l'ajout d'une protection contre l'attaque du CBC, donc le Cipher Block Chaining, ou encore le vecteur d'initiation qui devient explicite et non plus implicite. Donc c'est des changements assez techniques. TLS version 1.2 définie par la RFC 5246 en août 2008. Donc là on voit que c'est quand même assez récent. Il est également basé sur les versions précédentes. Donc là pour le coup c'est la version 1.1. Avec quand même pas mal de bonnes différences pour celui-là. Il y a par exemple l'utilisation du couple MD5-SH11 introduit dans TLS version 1.0 dont on a parlé tout à l'heure, qui est remplacé, lui, par SHA-256, dans les fonctions qui utilisent un algorithme de hachage, avec en plus la possibilité de choisir ce cipher suite. Alors, donc ça... une évolution comparable, en fait, au passage de SSL version 3 à TLS version 1.0, avec en plus une amélioration tournée vers l'évolution, je trouve, plus que la possibilité de choisir un algo différent, en fait. Donc je pense que là ils ont vraiment voulu faire un protocole qui puisse évoluer. Parce qu'on voit que les principaux changements entre SSL version 3, TLS version 1.0 et 1.1, c'est souvent le même. Donc là je pense qu'en fait ils ont mis une option justement où on pouvait préciser cet algo, histoire de ne pas ressortir tous les deux ans une version de TLS. Voilà. Donc il y a encore plusieurs améliorations. Mais bon, c'est un petit peu là, on s'approche du bit, carrément. Donc, SSL aujourd'hui, on en est où avec SSL? Justement, on parlait de l'implémentation de SSL, de V3 dans OpenSSL, tout ça. Ce qu'on peut voir, c'est que dans les navigateurs actuels, on utilise beaucoup SSL version 3 et TLS version 1.0. Savoir que tous les navigateurs quasiment, c'est même tous les navigateurs, n'implémentent que TLS version 1.0. La 1.1 et la 1.2 ne sont pas implémentées. Ils supportent toujours également SSL version 2.0, mais en général elle est désactivée par défaut pour forcer l'utilisation de au moins SSL version 3.0. Ouais. Donc on garde une compatibilité avec SSL 2.0 qu'on peut, dans certains cas, pouvoir réactiver, mais par défaut, elle est désactivée pour forcer SSL 3.0. Voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Donc, on est surtout sur du SSL version 3.0 et du TLS 1.0. Mm. Et tous les navigateurs se valent de ce côté-là. Franchement, en regardant, ils adoptent tous à peu près la même technique. Bah, de toute façon, en fait, ils importent tous les mêmes bibliothèques. En plus. Donc ils utilisent les mêmes morceaux de programme, enfin ils importent tous les mêmes morceaux de programme pour effectuer les mêmes fonctions. Mmh. Au final, oui, ils ont des comportements largement similaires. Je veux dire, qui utilise GNU TLS à la place d'OpenSSL? Voilà. Je sais pas. Non mais ouais. Voilà. Donc voilà pour ce petit sujet technique, j'espère que vous avez suivi, que c'était pas trop compliqué. J'ai essayé de rendre ça le plus accessible possible, mais bon, c'est un poil technique, donc ça reste un petit chouille, mais bon, je pense que... Bon, de toute façon, On est une émission qui est écoutée que par des gens qui connaissent déjà, donc t'apprends rien à personne. Voilà, en plus il paraît que... voilà, je vous invite quand même à... On n'en parle peut-être pas assez, de... Laissez des commentaires sur, les, sur le blog, sur le blog, au, ouais, au résumé des émissions, histoire de voir, d'avoir un retour sur, par exemple, bah, quand on fait un sujet comme ça, savoir si ça a plu, si vous auriez préféré qu'on soit plus accessible et donc un poil moins proche du beat, on va dire, ou si au contraire, vous dites non, non, mais vas-y, là, tes petits rappels de notions, tu les oublies et on va directement, on tape dans le bois dur et voilà quoi. Qu'on sache un petit peu. Ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Parce que c'est extrêmement important dans le cadre. Enfin, nous, on fait l'émission depuis le mois d'octobre et en fait, on a extrêmement peu de retours. On a une très très vague idée du public qui nous écoute, mais une idée beaucoup beaucoup trop vague. Donc, bah, plus on a de retours, plus ce sera cool derrière de faire des sujets qui intéressent un max de monde, etc. Faut pas hésiter non plus à prendre contact avec nous si vous êtes sur l'île. Il faut absolument pas hésiter à prendre contact avec nous pour voir si vous pouvez pas venir faire de la radio, faire des sujets, présenter des trucs. Il y a des trucs qui vous intéressent, que vous voulez faire partager votre passion à la radio, bah, faut pas hésiter à nous contacter là-dessus. Et puis, bah, si vous avez des news, des trucs sympas, on aimerait bien avoir aussi un réseau d'informateurs. Pas être obligé de tout le temps d'aller grappiller les news nous-mêmes. Si on peut avoir des trucs intéressants provenant du milieu hacker, bah comme là par exemple pour l'annonce du Templab tout à l'heure, bah si on peut, plus on en a, bah plus on diffuse et puis ça fait vivre un petit peu le mouvement hacker en France. Voilà. Enfin, en tout cas, on l'espère. On va mettre un petit peu de musique. Une petite pause musicale, et un petit jingle et puis. Tu nous mets quoi ? Venu le temps de l'agenda. Bah, qu'est-ce que tu préfères ? Aujourd'hui, c'est toi qui as la technique. C'est toi aujourd'hui, qui... c'est moi qui suis la technique. Mais nous, pornophonique alors. Pornophonique ? Ouais. Okay. Donc, c'est pornophonique, Space Invader. Tout à fait. Et on revient tout de suite après. Restez à l'écoute des programmes de Radio Campus. C'est Random 19 jusqu'à 20h. Take me home. Can you take me home? Can you take me home? Can you take me home? Random, l'émission des hackers qui sortent de leurs bunkers. De retour dans les studios de Radio Campus, vous venez d'entendre Pornophonique, la chanson c'est donc Space Invaders. Pornophonique c'est un groupe qu'on aime beaucoup, il y a un super album qui s'appelle 8-Bit Lagerfeuer, plutôt Heartbeat Lagerfeuer, un groupe allemand qui fait la musique à base de Game Boy et de guitare sèche, et qu'on aime beaucoup, l'album étant Creative Commons, en licence Creative Commons, ce qui fait qu'en fait on peut le passer à la radio sans payer la SACEM, et en plus vous pouvez le télécharger gratuitement et ça, librement, c'est cool. Et ça c'est vraiment cool. C'est de la culture libre. C'est de la culture libre, tout à fait, la culture pour toutes et pour tous, et gratuitement. Et bien en fait, donc il nous reste une dernière partie qui est l'agenda. Donc on y va, hein, sur l'agenda. Nous rappelons que nous sommes donc le 18 juillet, qu'il est presque 20h, que vous êtes dans l'émission Random, sur les ondes de Radio Campus 106,6 MHz FM, et que du mardi 20 au lundi 28 juillet, donc là mardi qui vient, il y a l'estive numérique à Péonne, c'est environ 100 km de Nice. On a parlé la fois dernière, le programme est paru il y a deux semaines, il va se passer des trucs vachement bien. C'est co-organisé entre autres par le Templab, c'est un truc vachement bien qui se passe au milieu de nulle part, à 1800 mètres d'altitude, et où ça va parler de convergence entre les luttes liées les luttes sociales et puis les luttes liées au mouvement hacker. Et le tout dans un cadre apparemment vachement bien. L'estive numérique, ça prouve qu'il y a quand même de l'activité dans le mouvement hacker en France, n'en déplaise à certains et certaines qui prétendent l'inverse. Du jeudi 22 au dimanche 25 juillet, à Dudelange au Luxembourg, il y aura le AXO Green Summer Camp 2010. Le AXO Green Summer Camp 2010, hein, pour le dire en français, events.hackerspaces.lu pour le site web, encore une fois un camping d'été, un camping estival avec que des hackers dedans, et ça va être vachement bien. Alors du samedi 24 au jeudi 29 juillet, Black Hat USA à Las Vegas, Nevada, www.blackhat.com. C'est de l'actu local ça. Oui, c'est de l'actu vachement locale, tout à fait, ouais. Non, mais c'est encore une fois une conférence américaine de sécurité informatique, machin. Black Hat, c'est pas super à bonne réputation, mais il se passe des trucs vachement bien au niveau technique. Et ce qui est intéressant, c'est que pour tous ces trucs-là, derrière, on va pouvoir... Il y a des conférences qui sont données, et les textes de ces conférences, les actes de ces conférences vont être diffusés sur Internet juste après. Ce qui veut dire que il y a de la lecture pour les personnes qui s'intéressent un petit peu au mouvement hacker et à la sécurité informatique, en particulier dans le cas de Black Hat. Il va y avoir des news assez chaudes qui vont sortir pendant ces événements, parce que les gens préparent leur conf pendant un an pour aller la présenter là-bas, et ils présentent des trucs de ouf, et traditionnellement il y a des PDF de malades qui apparaissent sur le réseau à partir de là, quoi. Donc un peu de lecture pour la plage, quoi. Un peu de lecture pour la plage, oui, effectivement. La lecture pour la plage également au DEFCON 18, hein, on en a parlé tout à l'heure, donc 30 juillet 1er août, vendredi 30 juillet, dimanche 1er août. DEFCON 18 à Las Vegas, DEFCON.org. DEFCON, pareil, c'est une grosse conférence hacker, il se passe aussi pas mal de trucs. Là, c'est vraiment orienté hacker assez méchant en général, il se passe des trucs assez ouf dans le DEFCON. Traditionnellement aussi, petit cocorico pour les gens qui utilisent OpenBSD, traditionnellement, le DEFCON utilise PF. Pour la sécurité de son réseau. J'avais vu des trucs sur Undeadly là-dessus. voilà quoi, sur un petit peu la présentation du réseau qu'ils font. Pareil, là en fait il va y avoir donc des tas de PDF, des trucs rigolos, il va y avoir des morceaux de code, il va y avoir de la musique également, parce que habituellement il y a des DJ qui viennent mixer des trucs, alors voilà, il y a de la musique à écouter et tout, pour bien faire comprendre que le mouvement hacker c'est pas simplement des barbus qui font les cons avec des ordinateurs, c'est aussi des gens qui ont 30 ou 40 ans de culture derrière eux et qui font avancer les choses. Dimanche 1er août, ce sera Random 20, donc hein, comme d'habitude, 19h-20h sur les ondes de Radio Campus Lille, le dimanche 1er août pour la prochaine émission. Vendredi 6 août 2010, ce sera le premier vendredi du mois, et comme chaque premier vendredi du mois, ce sera les meetings de 1600 un peu partout dans le monde, et notamment à Lille. Meeting 2600 Lille, www.2600lille.org pour avoir toutes les infos, et donc rendez-vous à 19h30 sur la Grand Place, le vendredi 6 août 2010. Samedi 7 août 2010, donc le lendemain, soirée d'ouverture du Hackerspace Void Warranties à Antwerp en Belgique. Toutes les infos sur oui.voidwarranties.be. Voilà, c'est la soirée d'ouverture d'un nouveau Hackerspace pas loin de chez nous. Il faut y aller, c'est intéressant. Et puis, a priori, c'est des gens vachement bien à Antwerp. Bon, même si c'est quand même... Enfin, quand je dis pas loin de chez nous, c'est quand même au nord de la Belgique, quasiment à la frontière... Quasiment à la frontière néerlandaise. Alors justement, la Hollande, eh ben, il y aura le ETH0 Summer, donc du mardi 10 au vendredi 13 août. Et j'ai pas mis le site web, donc désolé, faudrait que je le cherche là, mais j'ai pas super le temps. Samedi 21 août 2010, de 14h à 20h, la Black Box, donc le nouveau Hackerspace qui vient d'ouvrir à Paris, donc organise un truc qui s'appelle le Soviet Audio Workshop. En gros, le but du jeu, c'est de faire de la musique avec des vieux composants musicaux, des vieux appareils électroniques qui font de la musique et qui a priori viennent de l'Est, hein, viennent du bloc de l'Est. J'ai vu un message de le kernel là-dessus sur les mailing lists des Hackerspace, donc voilà, ça va être bien. Donc la Black Box, c'est au 17 rue de la Chapelle, dans le 10e à Paris. Métro Max Dormois, c'est sur la ligne 12. Et donc samedi 21 août de 14h à 20h, Soviet Audio Workshop. Sinon, j'ai l'adresse de TH0 Summer. Ouais. C'est wiki.eth-0.nl, tout simplement. Mais sinon, dans n'importe quel bon moteur de recherche, vous tapez ETH02.2010 espace Summer et puis ça devrait aller quoi. Ouais, ok. Bon, merci. De rien. Vendredi 3 septembre 2010, ce sera donc la veille du début de la braderie de Lille, et bien, il y aura le meeting de 1600 Lille. Du vendredi 3 au dimanche 5 septembre 2010, il y aura le Wireless Battle Mesh version 3.14.16 à Florentville en Belgique. Et puis, mais on tout s'en fout parce qu'on sera tous à la braderie. Et puis, du vendredi 1er au dimanche 3 octobre, on l'a annoncé tout à l'heure, le Hackerspace Festival 2010 au Templab de Vitry-sur-Seine. On va mettre une petite plage musicale pour la minute qui nous reste d'émission. On va vous souhaiter une excellente soirée et puis on va vous remercier de nous avoir écoutés. Restez fidèles à l'antenne et au programme de Radio Campus Lille 106,6 FM. Et continuons la lutte, camarades. Voilà. Et donc là, on vous laisse avec c'est Human Weakness, Psychose Electro. Tout à fait. Voilà, voilà. Bonne soirée. Allez. Et bon week-end, au revoir. Voilà, et à dans 2 semaines. Thank you.